ما لا إسلا بولينتا. Moi, je connais la musique de Shakira, la Isla Bolinta. Non, Je non, connais. je parle de la boucherie C'était musulmane. Madonna, ça. Isla. Ah, Je parle de Isla Delice. Isla, déjà. c'est un délice. Arrête de me rattraper, toi aussi. Ouais. C'est quoi la délire? Cousine, cousine, laissez-moi dans mon délire. Voilà. Le J, le S, comme il a dit Malik Le Bentala, J, le S. il a dit. Tu me Oh, régales. Tu non, me mais régales le sang. monsieur Matawina, j'ai une. Monsieur Matawina. S, tu as mis le survêt en crocodile ou quoi? Oh, monsieur Matawina, laissez parler un peu. C'est une démocratie ici. C'est une démocratie. Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous avons combattu. Nous avons combattu. Nous avons fait la révolution révolutionnaire en France et en Algérie pour les droits des peuples et des citoyens. Les citoyens. Moi, monsieur, j'étais à SOS Racisme, monsieur. D'accord? Donc je sais de quoi je parle. J'ai défendu le bougnoul matin et soir. Voilà. Et dans les soirées, champagne, Et petit pour four quel avec mes amis. résultat, eh? Et pour quel Oui, résultat, eh? mais j'ai défendu le bougnoul. Pour moi, le bougnoul doit être défendu. Et Entendu, d'ailleurs, je si le disais à mes bougnoul amis, devient syndicaliste, j'ai tout gagné. d'ailleurs, dans les soirées de Paris, petit four, petit Sidi Bel Abbès et couscous merguez, je dis à tous mes amis gaulois, le bougnoul, c'est mon affaire et je dois le protéger. Bon, monsieur Bataouina, une question. Que pensez-vous du PSG? Parce que mon ami Djellit, il n'arrête pas de me dire que Mahrez doit jouer pour le PSG. Qu'en pensez-vous? Moi, j'ai dit que notre seigneur Mahrez méritait le meilleur ballon d'or des remplaçants. Et ma foi. Et il a gagné la Ligue des Champions sur le banc sans bouger son cul. Et chez nous, c'est rare, hein, comme le DZ, chez nous, on dit. Et mon frère, Oui, chez nous. Monsieur Oui, c'est Mahrez, là, ça s'appelle la culture du moindre effort. Dans le sud, on est monsieur, vraiment des non mais spécialistes. écoutez, pour moi, il est inadmissible que le PSG n'embauche pas de joueurs algériens. D'accord? Et le deuxième reproche Lorsqu'on que dit je fais, algérien, on met nos amis marocains d'un côté pour bien tempérer la chose.